Méthode pour développer votre clairaudience. Méthode de méditation pour développer votre clairaudience. Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément et lentement. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre et vous concentrer. Visualisez une lumière blanche et brillante qui vous entoure et vous protège. Imaginez que cette lumière vous remplit d'énergie positive et de paix intérieure. Concentrez-vous sur vos oreilles et imaginez que vous pouvez entendre tous les sons qui vous entourent. Écoutez attentivement les sons de votre environnement en vous concentrant sur les sons les plus subtils. Imaginez que vous êtes en train d'écouter une musique douce et apaisante. Écoutez attentivement les notes et les mélodies en vous concentrant sur les sons les plus subtils. Demandez à vos guides spirituels ou à vos anges de vous envoyer des messages clairs et audibles. Soyez ouvert et réceptif à tout ce que vous entendez. Restez dans cet état de méditation pendant quelques minutes en écoutant attentivement tous les sons qui vous entourent. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux et revenez à votre état de conscience habituel. Cette méditation peut vous aider à développer votre clairaudience en vous aidant à vous concentrer sur les sons subtils et en vous ouvrant à la réception de messages clairs et audibles. N'oubliez pas que la pratique régulière de la méditation peut vous aider à développer vos capacités clairaudientes et à vous connecter à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Il existe d'autres moyens que la méditation pour développer votre clairaudience. Voici quelques exemples. Écoutez de la musique. Écouter de la musique peut aider à stimuler votre sens de l'ouïe et à développer votre clairaudience. Essayez d'écouter de la musique douce et apaisante en vous concentrant sur les sons les plus subtils. Pratiquez l'écoute active. L'écoute active consiste à écouter attentivement les sons qui vous entourent en vous concentrant sur les détails et les nuances. Cela peut vous aider à développer votre sensibilité aux sons subtils et à améliorer votre clairaudience. Utilisez des outils de divination. Les outils de divination tels que les cartes de tarot ou les runes peuvent vous aider à développer votre clairaudience en vous aidant à vous connecter à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Pratiquez la communication avec les animaux. Les animaux ont une capacité naturelle à communiquer par le biais de sons et de signaux. En apprenant à communiquer avec les animaux, vous pouvez développer votre clairaudience et votre sensibilité aux sons subtils. Écoutez votre voix intérieure. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure et de suivre les conseils que vous recevez. Cela peut vous aider à développer votre intuition et à améliorer votre clairaudience. En utilisant ces techniques, vous pouvez développer votre clairaudience et améliorer votre capacité à entendre les messages et les conseils de votre intuition et de vos guides spirituels. Page 38, nous allons voir ce qu'est l'intuition. Page 38.